tourne à droite. Il est préférable de s'arrêter avant le feu, réponse A. S'arrêter après le passage piéton, réponse B. Commencer à tourner, réponse C.